chez Canadian Tire, partez l'année du bon pied avec un rabais de 250$ sur une souffleuse à neige de marque Yardworks ou le tapis roulant de marque Nordi-Track à 70% de rabais. La cafetière Hamilton Beach à seulement 69,99$. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Samedi 12 janvier, 20h. Le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGA Express de Saguenay au complexe sportif du secteur de Dolbeau. Prix d'entrée seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Go Multi, go! Pour un amateur de football, c'est vraiment... On vit une période vraiment trépidante. Évidemment, il y a les matchs de division que beaucoup d'amateurs disent que c'est la plus belle fin de semaine de l'année. J'ai tendance à être très d'accord avec ça. Mais il y a aussi deux nouvelles ligues de football qui vont démarrer d'ici un an. La Ligue Alliance qui va démarrer d'ici un mois. En fait, c'est dans moins d'un mois même de ça. Et en 2020, au printemps 2020, c'est la XFL qui va démarrer. Parallèlement à ça, il y a des épines de Damoclès sur la Ligue canadienne de football. Il y a des inquiétudes. On a vu Jim Popp cette semaine mentionner qu'il était un petit peu inquiet face à l'avenir de la Ligue canadienne. Il y a une association avec la Ligue du Mexique également. On en parle tout ça avec un agent des joueurs. Lui, il doit être sûrement au courant de tout ça. C'est Sacha Gavani, l'agent de Laurent Duvernay-Tardif. Bon matin, Sacha. Bon matin. Sacha, comment tu vois ça, toi? T'es un agent de joueur, tu vis là-dedans, tu fréquentes beaucoup de joueurs de football. Écoute, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs de football parce qu'il y a des emplois qui se créent. Par contre, il y a certaines ligues, comme la Ligue canadienne, ont été tankées un peu. Comment tu vis ça, toi? Il y a deux façons de le voir. C'est assez simple. Pour moi, c'est la façon où on s'inquiète et on a peur de l'avenir de ces ligues-là, mais moi, je pense que c'est très positif dans le sens que la compétition saine va favoriser l'essor de toutes les ligues en question. La Ligue canadienne peut profiter de l'avenir de ces deux ligues-là dans la période de négociation d'une convention collective qui amorce sous peu pour regarder comment est-ce qu'ils peuvent améliorer les conditions de travail, améliorer le produit qui est mis sur le terrain, qui est déjà un bon produit, qui est déjà un produit qui attire beaucoup de partisans. Par contre, ils ont un travail à faire au niveau d'une démographie qui est plus jeune, à attirer plus de jeunes au stade, à attirer plus de jeunes qui s'intéressent à la Ligue canadienne de football. Et donc, je comprends les inquiétudes, mais en même temps, moi, je pense que c'est positif si on s'y prend de la bonne façon. Il y a tellement de joueurs aux États-Unis, il y a tellement de college aux États-Unis. Moi, j'ai l'impression qu'on s'inquiète pour rien. Puis la Ligue canadienne de football, c'est pas la première fois là, qu'elle se peut mourir. Moi, ça fait 35 ans que je suis la Ligue canadienne, Sacha. Puis la Ligue canadienne a été beaucoup plus en difficulté qu'en santé. Puis elle est encore là. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a le fait qu'il y a tellement de joueurs américains que ça paraîtra pas trop sur le produit, là. Ben c'est parce que en même temps l'idée c'est qu'on doit se poser la question, est-ce que l'avenir de ces ligues-là vont affecter les Américains qui veulent venir à la Ligue canadienne? Et si la réponse est oui, mais pourquoi? Ouais. Moi, je peux vous dire que le salaire minimum dans la Ligue canadienne en 2018 était de 54 000 $ canadiens. Avec le taux de change, ça revient à peu près à peu près 45 000 Américains, si c'est pas moins que ça. Donc, quand on regarde les nouvelles ligues qui offrent des salaires d'au-dessus de 70 000 Américains pour moins de matchs, c'est sûr que c'est attrayant pour les joueurs. Donc, on doit se poser la question, comment qu'on va faire pour les attirer? Est-ce qu'on garde le salaire au même endroit, mais on offre d'autres incitatifs? Est-ce qu'on doit faire une meilleure éducation pour les joueurs? Est-ce qu'on augmente le salaire minimum pour justement refléter cette réalité-là? Mais la réalité, en même temps, c'est que la Ligue canadienne a tellement... une base solide au Canada, c'est une ligue de chez nous. Il y a des partisans de Vancouver jusqu'au Maritime, puis là une nouvelle équipe qui s'en vient dans les Maritimes. Donc, je suis pas inquiet pour la santé de la Ligue canadienne, mais je pense que elle doit revoir un peu sa façon de faire et pourquoi être trop confortable. Je crois que la Ligue canadienne devenait trop confortable dans ses méthodes et là, elle doit se repositionner un peu pour attirer le talent. OK. Justement, si on parlait un peu de ça aussi, crois-tu à ces deux nouvelles ligues-là? Tu m'as dit en dehors des ondes, tu as dit, Gad, j'ai pas eu l'occasion de leur parler. Moi, je crois que à moins. Tu sais, on dit tout le temps que la nature a horreur du vide. Hein? Puis là, moi, une ligue de printemps, moi, je trouve que ça a sa place. Mais par contre, C'est un peu fou là, d'avoir deux ligues à compter de l'an prochain. Moi, je pense qu'à moyen ou long terme, cette ligue-là, ces deux ligues-là n'auront pas le choix de fusionner. Est-ce que tu partages mon avis? Je sais pas, en même temps, Danny. Je sais pas. Je pense pas. Je pense que c'est possible de survivre. On parle des États-Unis, on parle quand même d'une population qui est nettement presque 10 fois plus élevée que celle du Canada. Ouais. Ça va vraiment dépendre du marketing, ça va vraiment dépendre du modèle d'affaires. Il y a beaucoup de facteurs qui relèvent vraiment plus haut que le football. Je peux dire que je suis pas inquiet pour le niveau de jeu, le talent. Je pense qu'ils vont réussir à trouver des joueurs pour combler tous ces postes-là. Après ça, est-ce que les marchés où ils sont situés sont assez forts pour supporter ces équipes-là? Est-ce que ça va être de l'éphémère après court terme? C'est des questions qui sont très difficiles à répondre parce que ça relève beaucoup plus de firmes, de consultations en marketing, en développement d'entreprise que du football. Mmh. Mais je pense que les gens qui sont associés à ces ligues-là, je pense notamment à Phil Savage dans l'AAF, Doug Whaley dans l'XFL, c'est des bonnes têtes de football qui ont eu des beaux parcours dans la NFL. Puis je pense qu'ils vont savoir comment monter des structures de football intéressantes. Maintenant, c'est aux dirigeants des ligues d'assurer une survie financière et une croissance financière de ces ligues-là au niveau strictement d'entreprise. Moi, je pense que la clé, c'est de pas compétitionner la NFL, de pas essayer de compétitionner la NFL. Parce que si tu fais ça comme la USFL, je sais pas si t'es peut-être trop jeune un peu, ils ont essayé de compétitionner la NFL. Puis c'est là que c'était leur arrêt de mort. Ils font leur petit bonhomme de chemin avec un produit intéressant, bien administré, ça a des chances de fonctionner, là. Mais la XFL, à l'époque, la première fois que c'est venu au marché, c'était ça. C'était ça le problème. Ouais. Ils ont essayé de compétitionner avec la NFL. Puis effectivement, je pense que si tu essaies de combiner avec la NFL, tu risques de perdre à ce jeu-là. Pas parce que c'est tellement bien ancré chez les Américains. Donc, c'est de trouver leur niche, tu sais, c'est de trouver leur marché, c'est de trouver c'est quoi leur faisabilité. C'est sûr que deux ligues, ça surprend un peu de comment ils vont faire pour survivre, puis je comprends la question. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ces questions-là qui relèvent au-delà du football. OK, ça va dépendre aussi des droits de télévision, les droits de commandite et ainsi de suite aussi, là. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir ça, là? C'est tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. En ligne de compte. Oui, et la qualité de jeu aussi, tu sais. Faut regarder aussi est-ce que la qualité de jeu va être là. Est-ce que les partisans, tu sais, une ligue de printemps, c'est le fun, mais est-ce que les gens, ils ont besoin d'une pause de football? Tu sais, est-ce que ça va suivre l'équipe? Tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, il y a beaucoup de questions qu'on va voir la réponse dans les prochains mois. Okay, effectivement. La Ligue du Mexique, tu n'as entendu parler un petit peu de cette association-là, Randy Ambrose, qui lui, justement, c'est un peu une réplique de la création de cette nouvelle ligue-là. Tente d'internationaliser la Ligue canadienne. Il y a des associations avec la Ligue du Mexique. De ce qu'on a pu entendre, c'est que la Ligue du Mexique va servir de club ferme un peu à la Ligue canadienne de football. Comment tu vois ça, tout ça, aussi? Ça, c'est un autre aspect important, aussi. Là. Ben, moi, je suis tout à fait pour la croissance de la Ligue canadienne. Ouais, okay? Et je pense que faut regarder les façons d'augmenter les revenus, puis je pense que c'est ça la clé pour que tout le monde soit heureux, tant les propriétaires que les joueurs. Mais je te dirais que ce qui me dérange avec l'expansion au Mexique, c'est que je veux pas que ça se fasse au détriment des joueurs canadiens. Je pense que cette ligue-là, on voit des joueurs canadiens quand ils jouent pour les équipes pour les canadiennes, ça a quand même un cachet qui est unique par rapport aux autres ligues. C'est ça qui attire aussi, mettons, aux Alouettes, les joueurs québécois, ça attire les gens. Tu sais, puis on regarde. Mais là, si on va au Mexique, je trouve ça super. Par contre, faut pas que ça soit au détriment de la qualité de jeu, donc faut pas juste prendre des gens en fonction de leur passeport parce que tu sais, puis pas que ça y ait le niveau de jeu. Puis en même temps, il faut pas que ça se fasse au détriment des Canadiens. Fait que je pense que l'idée d'expansion internationale est bonne, ça vaut l'essai, pourquoi pas. Mais c'est l'exécution que j'ai hâte de voir qui va être importante de mon côté. Et j'ai pas été voir parce que je sais que on est capable de voir des matchs. Si la Ligue canadienne, si la Ligue du Mexique, c'est 4-7. Faut que tu te mets au même diapason que les ligues, là, parce que c'est les mêmes règlements et ainsi de suite. J'ai pas été voir par contre c'est quoi là-bas. Il me reste une question, Sacha, que je veux te parler. Durant le temps des fêtes, il y a un de mes collaborateurs de la NFL qui est arrivé avec un point, puis je veux t'entendre là-dessus, sur Laurent Duvernay-Tardif. On va parler un peu de Laurent. Mon collaborateur, il a dit, écoute, là, il va falloir commencer un petit peu à s'inquiéter. La NFL, on l'adore tous, Laurent. Par contre, Par contre, il a été blessé, puis il est souvent blessé, puis les Chiefs de Kansas City, à son absence, la ligne à l'attaque s'est quand même assez bien débrouillée dans les circonstances. Il admettait, Laurent, il n'y a aucun doute là-dessus qu'il va se trouver un emploi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, il dit ça pourrait arriver que les Chiefs soit lui demandent de renégocier son contrat ou encore le libèrent parce qu'un joueur dans la NFL blessé, il faut que ça joue. Surtout un contrat comme Laurent. Es-tu inquiet? Non. Non? Non, pas inquiet du tout. Non. Avec respect pour l'opinion des collaborateurs, c'est sûr que la réalité de la NFL, c'est une réalité où est-ce que ton emploi, il faut toujours que tu compétitions pour ton emploi, peu importe le contrat que tu as. Ouais. Mais tu sais, il faut aussi regarder l'historique de Laurent et aussi le type de blessures qu'il a subi. Okay. Ce sont pas des blessures qui ont des conséquences à long terme. Ça a été une malchance cette année avec le péroné puis la fracture de Maisonneuve. Par contre, dans le passé, ça a toujours été des situations qui ont été bien contrôlées. Qui veut pas Laurent, lorsqu'il joue, il améliore la ligne à l'attaque nettement. Ça, il n'y a aucun doute. C'est bien beau de dire que la ligne à l'attaque s'est bien débrouillée, puis c'est vrai, puis c'est ça qu'on veut. On veut que l'équipe connaisse du succès malgré la blessure d'un joueur. Par contre, je pense qu'il n'y a aucun doute que Laurent est un des meilleurs joueurs de ligne à l'attaque, qui est meilleur garde de la NFL. Puis au final, ben, n'importe quelle équipe, notamment les Chiefs, sont meilleurs avec lui dans l'alignement, puis j'ai aucune inquiétude, moi, pour le poste à Laurent ou bien pour son contrat ou quoi que ce soit. Okay. Je regardais aussi la façon que tu me corriges, je me trompe, je te l'ai regardé sur un site, la manière aussi que son contrat est fait, plus le contrat vers la fin, moins il prend de la place sur le cap aussi, je pense, c'est ça. Ça peut l'aider, hein? Ben ça, je peux pas vraiment embarquer dans les détails du contrat, mais ce que je peux vous dire, dans la règle de base, c'est que lorsqu'on a signé l'entente, ça a été signé jusqu'en 2022. Donc, le montant qui est sur le cap est stable durant, à partir du contrat. Ça fait, les contrats long terme, c'est ça l'avantage pour les équipes, c'est qu'ils stabilisent le montant sur la masse salariale. Okay. Donc, rendu là, je suis pas directeur général. Les équipes vont prendre des décisions toujours en fonction des besoins de l'équipe, mais je n'ai aucune inquiétude pour Laurent, puis j'ai aucune, il y a absolument rien dans son cas qui me laisse présager que ils sont pas prêts à être en danger ou quoi que ce soit. Okay. Ben Sacha, très intéressant. On va au plaisir de se reparler. Avec plaisir, merci. Sacha Gavani, l'agent de Laurent Duvernay-Tardif.